sonder, prendre sa respiration, puis plonger dans la mer. Écouter et attendre, jusqu'à n'en plus tenir, jusqu'à pouvoir sentir le point de communion qui nous sera utile, jusqu'à le dérober.